Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Dena. Salut. Dena, comment tu vas? Bien, bien et toi? Ça va super, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Sofiane. Moi je suis super content de pouvoir partager mes histoires avec tout le monde. Ah ben écoute, c'est nous qui sommes ravis de pouvoir les écouter. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oui, oui, j'avais eu pas mal de galères. Un qui m'a marqué à vie, c'est quand j'avais participé à un concours quelque part en Wallonie. Et donc, il fallait faire un 8 minutes, ton meilleur 8 minutes. Et je savais, j'avais confiance dans mon 8 minutes, je savais qu'il était bon. Mais pour une raison, ça n'a pas pris du tout avec le public, ce qui en soi n'est pas très grave. Mais j'étais interrompue toutes les 30 secondes par une femme qui faisait... Ah. Ah ouais. Et du coup, tu vois, tu t'es dit, bon, j'ai 8 minutes, j'essaye de tout donner, mais c'était même pas un... Tu vois, c'est un truc ouais, tellement... Ouais, c'est du jugement, vois, quoi. J'ai déjà eu des... Bah, n'avoir aucun rire, c'est limite, c'est OK, parce que voilà, il n'y a pas de rire, tu comprends le message. Mais là, avoir un... Et j'étais là, mais meuf, t'as un problème de tuyauterie ou tu vois, c'est... Il y a une soupape qui n'est pas bien fermée, là, chez toi, tu vois. C'est et du coup, incroyable. Je me suis dit, mais c'est un problème technique, c'est peut-être le micro. Mais non, c'était juste une femme qui passait son temps à faire. Je sais pas si c'était peut-être le début d'un beatbox, mais. Ouais, bah, écoute, on aurait bien aimé connaître le morceau en entier, mais. Ah, mais là, sans déconner, émettre du jugement comme ça, parce que ne pas aimer, c'est un droit, il n'y a aucun problème. Exactement, à 100%. Mais par respect pour l'artiste, au moins, ne sabote pas sa prestation. Ouais, et franchement, j'avais l'impression que j'étais pas la seule à entendre son pfff, tu vois. J'avais l'impression que tout le monde la regardait, tu vois, en mode, mais juste arrête de faire, j'ai compris au premier, tu vois, donc... Oh là là là. Oh mon Dieu, ça c'était vraiment inoubliable, sinon je me souviens aussi d'un spectacle, d'un festival en fait, et il y avait tout un bazar, c'était un très chouette festival belge, et ils avaient voulu ouvrir la porte aux nouveaux, donc il y avait plusieurs soirées de sélection, à 17h dans une tente qui fait genre 3 mètres carrés, où il pleuvait parce que c'est la Belgique, et il y avait genre quand même des personnes importantes, tu vois, on va dire des chasseurs de tête, de stand-up qui étaient là, donc pression, et il n'y avait pas de public, donc c'était genre 7 humoristes, 7 personnes-là, qui viennent de juger, et la pluie, pas de micro, genre conditions pourries. Ouais. Et donc, j'ai joué et ça a été, donc ça, c'est cool. Et ton cadeau en tant que personne sélectionnée, c'est que tu allais jouer devant 900 personnes le lendemain, tu vois. Ah, et donc, c'est cool. Et donc, on nous dit, ah, par contre, vu qu'il y a une grande star française qui doit faire son check-son absolument à midi, on vous demande tous d'être là à 7h. Sauf que cet endroit n'est pas à Bruxelles, tu vois. Donc, être là à 7h, c'était départ à 5h30. Et nous, on jouait à 18h. Ah oui, d'accord. Et le check-son, c'était pas genre tu te mets à gauche, tu te mets à droite, tu te mets là, tu rentres par ici, c'était juste bonsoir, le micro il fonctionne, merci, bonne soirée, tu vois, c'est tout. Oh là là là. Donc au final, en fait, ils vous ont fait venir plus tôt pour rien, quoi. Oui, parce qu'en fait, le test limite, franchement, si on n'en avait pas fait, je pense que ça aurait été pareil. Et puis, le truc de vous allez jouer devant 900 personnes, oui, dans une salle de 900 personnes. Mais il n'y avait pas 900 personnes. Il y avait combien ouais, mais je pense qu'ils étaient 47. Tu vois, dans une salle de 900, donc avec 47, dont je pense 37 enfants, tu vois. Ah, le public de rêve. Ah, c'était. Mais après, vu que je ne sais pas à quel point c'est comme ça en France ou quoi, mais en Belgique, les humoristes s'entendent super bien et on n'est pas si nombreux finalement, donc on se connaît tous. Et donc on s'amusait, on en rigolait nous-mêmes en backstage, mais c'est sûr que c'était éprouvant. Ah voilà. Ben, oui, oui, ben si tu veux, c'est un peu le genre d'anecdote pour lesquelles, dès que tu vas recroiser quelqu'un qui en faisait partie, tu vas lui dire « Ah, tu te rappelles, exactement. On a fait ça ensemble ». C'est un peu, j'en avais déjà parlé, je crois, dans le podcast, c'est un peu votre Vietnam, tu vois. Exactement, tu vis ça ensemble. Ça. C'est comme en Belgique, quand tu fais des études supérieures, tu peux te faire baptiser. Et donc, en fait, les gens qui sont dans des années supérieures font des trucs atroces, gentils, mais atroces aux nouveaux, tu vois. Et donc, quand tu vis ces trucs-là ensemble, bah, t'es amis pour la vie. Mais ça, c'est pareil. L'idée, voilà, ça y est. Ouais. Non, mais c'est bien. Mais écoute, je suis vraiment ravi que t'aies pu survivre à cette galère. Mais comment s'est passée la scène en elle-même quand t'as joué du coup sans micro, sans rien, sous la pluie et tout? Horrible. Pas d'autres mots. horrible, mais en fait, tu vois, à un moment donné, quand tu es dans tellement de souffrance, tu lâches prise, tu te dis, mais c'est déjà horrible, donc ça ne peut pas être pire. Et donc, en fait, tu joues avec une espèce d'aisance, et en fait, bah, finalement, ça se passe bien, tu vois. Ouais, t'es détendu, ouais. Voilà, tu vois. Donc, ça, c'est finalement un. Après, je t'avoue que c'est un état d'esprit que j'essaye de faire un copier-coller de ça dans ma tête pour n'importe quelle scène en me disant, bah, au pire, c'est nul. Et après, voilà, tu vois. Donc, puis je suis à l'aise, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Non, voilà, mais c'est bien, c'est un moyen de survie, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. Mais du coup, ça me fait penser à un autre souvenir où on avait un programmateur avait eu la gentillesse de me programmer dans son festival pour que je joue mon complet. Et donc, j'étais super contente. Et il m'a dit, OK, ton horaire, c'est 10h du matin, le samedi. Et donc là, tu te dis, mais franchement, si... Tu vois, je ne suis pas une célébrité, donc je ne sais pas comment je vais remplir. Et c'est là, non, mais ça sera rempli, ça sera rempli. Donc, OK, moi, je prends le train. Mon train a une heure de retard, ce qui veut dire que j'arrive dans la salle vraiment 5 minutes avant le début du spectacle. Et donc, je dis, mais est-ce qu'il y a des gens? Parce que, tu vois, on est samedi matin. Et ils me disent, oui, il y a 10 personnes. À nouveau, 10 personnes dans une salle de 400. Et je dis, ben, est-ce que, vu que j'arrive 5 minutes avant, est-ce qu'on ne peut pas dire aux 10 personnes qu'on commence 10 minutes plus tard, juste le temps que je sèche ma transpiration, quoi? Ils me disent, ah non, non, c'est pas possible. Et je dis, mais je veux limite bien aller leur dire, genre, Jean-Luc, Marcel, Janine, tu peux attendre 2 minutes? Et en fait, ils ont dit non. Et donc, je suis rentrée dans la salle en même temps que le public, sauf que eux ils ont été s'asseoir et moi j'ai été sur scène. Et en mettant le micro-casque et en faisant bonsoir à tous, je m'appelle Dena. Et c'était. Mais c'était très spécial parce que, en fait, j'ai joué la carte de la transparence et je leur ai tout dit, tu vois. Et pendant que j'étais là, bah, il y avait comme le commentaire du producteur, comme dans un DVD, tu vois, en live. Mais c'était moi la voix. Je disais, tu vois, je viens d'arriver et je dis, mais c'est space, non, on est à 10 dans une salle de 400. Et en fait, finalement, ça s'est très bien passé. Je pense que les gens, en fait, ont apprécié ta sincérité, tu vois. Ouais, mais c'était désagréable. Mais à nouveau, tu te dis, c'est déjà tellement horrible. Ben, il n'y a pas grand-chose qui va rendre les choses plus horribles que ça. Donc, let's go, tu vois. Mais j'avoue que ça, par contre, c'est vraiment dommage. Parce que, bon, ça doit exister aussi dans d'autres scènes, mais d'arriver comme ça et qu'on te presse, qu'on te dise non, c'est pas comme si t'avais dit, parce que moi, au début, quand t'as commencé à me raconter l'anecdote, je pensais que tu allais me dire, je leur ai dit, vu qu'il y a que 10 personnes, est-ce qu'on pourrait pas décaler le spectacle dans la journée, histoire qu'il y en ait un peu plus. Là, je t'avoue que si le mec t'avait dit oui, je t'aurais dit quand même, il est conciliant. Parce que non, mais tu sais pourquoi il pouvait pas? Parce qu'à 14h, il y avait quelqu'un. Et à 18h aussi, mais encore toujours, le gars qui a joué après moi à 14h, je pense pas qu'il avait plus de monde. Hein. Tu vois, c'était juste un festival avec une communication un peu space, je pense. Ouais. Et, parce que sinon, franchement, le gars de la régie et tout, il était super sympa, mais... Mais c'est quand même dommage, je veux dire, la moindre des choses, surtout si tu veux que l'artiste délivre une performance correcte, c'est quand même de le laisser être à l'aise, quoi. Toi, tu arrives en speed, avec un train qui avait une heure de retard et tout, tu arrives en retard, t'es, comme tu dis, je voulais juste m'essuyer la transpiration. Même pas. On te laisse même pas et on te dit non, tu montes. Et déjà, j'ai jamais vu un spectacle où tu rentres en même temps que le public. Hein. Ça, j'ai jamais... Mais c'était horrible. Mais j'ai jamais... Et surtout, je veux dire, voilà, la modestie de ta demande, c'était juste de demander 10 minutes. 10 minutes, ouais. Déjà, ouais, en temps normal, même quand t'arrives à l'heure, En général, c'est même plus que ça que les gens attendent. Mais ça ne commence jamais à l'heure aussi, tu vois. Mais bien sûr, le spectacle est prévu à 20h. Enfin, ça, c'était dans l'ancien monde, hein, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Le spectacle est prévu à 20h. Des fois, tu joues à 20h30, 40. Enfin, c'est beaucoup quand même. Hein. Mais ça peut arriver. Là, non, t'as demandé 10 minutes. Mais en fait, vu que... En fait, mon cerveau, il se déconnecte à partir du moment où je perds les éléments de base. C'est-à-dire, voilà, j'ai 5 minutes pour moi derrière le rideau. Bah, une fois que je suis plus dans des conditions, on va dire, optimales, bah, mon cerveau, il dit, allez, c'est parti. Et donc, limite, j'ai envie de dire, je me poile presque plus que quand c'est un truc vraiment bien cadré, machin, tu vois, j'ai ma petite bouteille d'eau. Bah, en fait, je vais en mode survie et il y a un lâcher-prise qu'il n'y a pas dans un moment plus classique, on va dire. C'est vrai. Mais les gens aiment la sincérité des artistes et je pense que c'est justement ce qui leur a plu dans ta prestation, c'est que t'es arrivé, tu leur as dit, enfin genre en gros voilà, vous voyez bien que je viens de rentrer avec vous, je viens d'arriver, mon train était en retard et tout, t'as dû sûrement faire des blagues sur le train et mais tout. J'ai fait, oui c'est ça, Et puis je disais, et là, vous au fond, j'entends rien. Et puis j'ai dit, ah, mais c'est parce qu'il n'y a personne. Enfin, tu vois, c'était. Puis j'ai parlé à tout le monde dans le public. Tu vois, et j'ai dit, bah, demain, je pourrais dire que j'ai parlé à tout le public. Voilà, c'est ça. Je connais tout mon public et tout. Je suis quelqu'un de proche de ouais, mon public. Ouais. Et quand je dis mon public, c'est au singulier, c'est pour une raison. Hein, vous inquiétez, pour une bonne raison. Mais après, je pense que l'expérience de faire du stand-up à 10h du matin, je pense que tout le monde ou plein de gens ont dû vivre ça au moins une fois dans leur vie et on sait tous que c'est juste horrible. Le stand-up, c'est pas un truc à faire le matin, quoi. Ah oui, c'est ça. Mais je suis même étonné. Moi, les seuls endroits où je peux entendre que le spectacle soit à 10h du matin, c'est au Festival d'Avignon, parce que là, c'est festival toute la journée. Tu peux te retrouver à jouer à 1h du matin, un truc comme ça, tu vois. Oui, mais, ou à la radio, une chronique, tu vois, mais là... Oui, ah bah là, la radio, c'est même l'inverse. La radio, c'est plutôt le matin et tout. Les gens s'attendent à venir bosser à 7h ou à 8h, il n'y a pas de problème. Mais un spectacle à 10h, j'avoue que c'est... Mais j'ai eu pareil, j'ai l'impression d'avoir eu ça plein de fois, parce qu'une autre fois, on m'avait demandé de jouer mon spectacle à 10h, à 13h et à 18h. Bon, j'ai dit OK, parce que... Voilà, et après, je me suis rendu compte que c'est pour des écoles. Eh oui, c'est pour ça. Tu vois, d'accord. Je pense que j'ai même pas besoin de dire plus, tu vois. Eh oui, eh oui. Tu t'imagines 10h du matin, voilà. Voilà, non seulement t'es obligé de te caler sur le rythme des écoles, mais en plus, les enfants sont pas le meilleur public. J'ai rien contre les enfants, hein, j'en ai trois. Non, mais c'est pas un bon public. J'avais un public d'ado et tu joues, t'es un pilote automatique, tu vois, t'écoutes juste ton texte et puis t'entends... Ah, madame, vous avez dit quoi là? Madame, madame! Et t'es là, ah mon Dieu, je vais mourir! Mais c'est ça. Et là, tu te mets, voilà, comme t'as dit, en pilote automatique, en mode survie. Non, et j'avais le sourire comme ça, tu vois, figé, fixé. J'étais glacée et j'avais de la sueur, mais pas de la sueur adrénaline. Ouh, je passe un bon moment de la sueur froide comme ça. Tu sens la goutte qui coule doucement, tu vois. C'est vrai, on l'a tous vécu, ça. Et ça sentait comme ça, la chic, tu vois, les chewing-gums de jeunes, comme ça, tu vois, le bonbon. Et j'entendais rien, et j'arrêtais pas de faire signe à la régie d'augmenter le son de mon micro, mais c'était... Uh-huh. Mais comme tu dis, ça forge de ouf. Ah oui. Et ça m'a appris à apprécier le public, tu vois, le public qui rigole pas, mais qui, à la fin, te dit, on a adoré, ce public-là, je l'adore. Parce qu'il écoute tout, il écoute chaque syllabe, il voit chaque potion, il fait tout, il est là, tu vois. Mais il rigole pas, mais il est là. Voilà. Mais tu te dis, je suis passé par tellement de galères que franchement, ce soir, c'est magnifique. Tu arrives à apprécier, tu vois, quelqu'un qui a joué que des spectacles, mettons, il a joué que devant des salles pleines de, je sais pas, de 400 personnes, je dis une bêtise, hein, évidemment, parce que personne ne fait que ça. Mais on va dire quelqu'un qui commence dans l'humour directement par des salles pleines de 400 personnes, voire plus et tout, machin. Si tu le mets dans une de nos galères, il va mourir. Tu vois ? Alors que nous, on a le temps d'apprécier, tu sais. Nous, on est passé par ces galères-là, on a joué dans des caves, on a joué dans des chichas, on a joué dans des endroits où les gens nous écoutaient pas, où les gens mangeaient des trucs de malade. Et là, on te met dans des conditions, des bonnes conditions, mais tu es sur un nuage, quoi. Exactement. Et du coup, ça m'a appris à vraiment avoir de la gratitude par rapport au public que j'ai, ou les conditions que j'ai, ou le micro, la taille de la salle, ou même le style de scène. Et en fait, tu vois, toutes ces expériences-là, ça m'a appris à avoir de la reconnaissance envers les autres expériences qui étaient peut-être à première vue bof, mais qui en fait sont magnifiques, tu vois. Avoir un public qui rigole pas, mais qui, à la fin, tu dis « j'ai adoré », ben, waouh, tu vois, c'est pas idéal, mais c'est quand même beaucoup mieux que jouer à 10h du mat devant personne, ou, enfin, ne pas être... Enfin, tu vois, je suis tellement reconnaissante à chaque fois que ça se passe bien, ou un peu bien, et quand ça se passe très très bien, bah là, c'est vraiment une joie qui ne se mesure pas, mais voilà, c'est un métier vraiment bizarre et génial en même temps. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Tu as très bien résumé. Un métier bizarre, génial en même temps. Je pense que cette formulation, elle mérite d'être encadrée, parce que c'est exactement ça. C'est un métier où on se met en danger, en fait. On a tous ressenti ça, tu sais, quand on est en train de galérer sur une scène ou quoi. Et on se voit jouer, tu sais. On se voit jouer. Exactement. Et on se dit, mais la fameuse phrase que tout le monde s'est dit dans sa vie au moins une fois sur scène, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais ? Ouais. Voilà. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça ? Ouais. Et le truc, c'est que le lendemain, quand tu vas jouer sur une scène qui va se passer beaucoup mieux, tu vas dire « Ah, c'est exactement pour ça que je le fais ». C'est tellement ça. Et puis au final, le souvenir, même le souvenir douloureux, le bide, ou tu vois, quelqu'un qui… Ou, genre le souvenir douloureux, bah, au final, il devient un des plus drôles, tu vois. C'est vrai, C'est vrai. Donc, et c'est exactement pour ça que j'ai lancé ce podcast. C'est parce que je sais qu'en sortant de scène, quand tu as bidé, là, clairement, tu as envie de parler à personne, tu n'es pas bien, tu as juste honte, en fait. Oui, parce que tu te dis tout ce que j'ai fait dans ma vie, tous les choix, tous les chemins ont fait que je suis là. C'est ça. Et du coup, tu es dégoûté. Mais par contre, au bout de quelques jours, tu dis oh, finalement, c'était marrant, en fait. Ouais, autant. Et t'en rigoles avec les collègues et tout. Et c'est exactement ce que je voulais retranscrire dans ce podcast. Et je te remercie. Tu nous as vraiment fait vivre, mais avec grand plaisir, tu nous as vraiment fait vivre de belles anecdotes et tout. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, sur Instagram, c'est Dena Diva. Et sur Facebook, c'est Dena Comédie. D'accord. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Bisous à tous, même à toi là-bas.